Le petit pigeon qui est dans un jour qu'a prouvé. M'avait passé, mon gars, yo-yo volé. Y'a les posés son parapluie à danser. Mon gars, yo, moi, tu veux au moins aller. Moi, rencontré à côté de moi, raconté l'idim. Et tu sens accident, pas parler. Oui, on va songer, sans assister, sans parler. Là, on va finir manger, on va coucher, on va blaguer. Oui, on va songer, sans assister, sans parler. Là, on va finir manger, on va coucher, on va blaguer. Deux petits pigeons qui t'aiment changer au cap couvé. Ma bébé passé, mon gars, yo yo volé. Y'a les posés son parapluie à danser. Mon gars, yo, moi, tu veux au moins aller. Moi, rencontré à connaître, de moi, raconter l'idim. Petit son accident, pas balai. Moi, on va songer, on va assister sans balai. Là, on va finir manger, on va coucher, on va blaguer. Moi, on va songer, on va assister sans balai. Là, on va finir manger, on va coucher, on va blaguer. Petit pigeon, yo. Aïe, petit pigeon, ça yo. Oui, on connaît danser. Oui. Ballet. Oui, on compte faire musique. Oui, on compte jouer guitare. Oui, on compte jouer cha-cha. Oui, on compte battre tambour. Oui, on joue contrebasse. Oui, on compte battre batterie. Oui, on connaît chanter. Oui, on connaît parler. Chanter au palais au causé. Causer au palais au danser. Danser au palais au chanter. Chanter au palais au causé. Thank you. ça yo. Oui, on connaît danser. Oui, on connaît parler. Oui, on connaît faire musique. Oui, on connaît jouer guitare. Oui, on connaît jouer cha-cha. Oui, on connaît battre tambour. Oui, on joue contre basse. Oui, on connaît battre batterie. Oui, on connaît chanter. Chanter yo, parler yo, causer. Causer yo, parler yo, danser. Danser yo, parler yo, chanter. Chanter yo, parler yo, causer. Causer yo, parler yo, danser.